Donald Matteo, l'heure des démangeaisons a sonné. Je connais la valeur du rap, j'ai conscience de l'enjeu. Comment les prendre au sérieux, Mike, ils prennent ça pour un jeu. Donc ils m'écoutent mais qu'ils me voient pas à la banlieue, à ces tauliers. J'ai fait mes classes à Val parmi les chiens sans collier. Je répète les mêmes gestes, je compte mes clopes avant de rouler. La vérité mon frère, tout ce que j'ai, je te l'ai pas chouré. J'ai pris ce que j'avais à prendre, donné ce que j'ai à donner. Je vais dans la mise au point, pas de mise à la mort. La vie une salle d'attente, la mort un clap de fin. J'aurai sûrement les comptes à rendre, ma gueule m'énique demain. On n'est pas bonhomme, on le devient. Fontenaisien, quartier rouge, aile de l'ange, tu veux qu'on te montre, viens. Les provinciaux s'approvisionnent en camas. Une plaque immatriculée dans l'Oise, Val que 9-4, on te nique ta race. L'équipe type en US, Coronès, ils y peuvent quoi. J'suis né dans le 9-4, à la frontière du 9-3. Coronès, personne au micro, des microbes humains au sale paragraphe. Résultat, salement propre. Salement propre, le son du vol, t'as vu. On garde un pied dans la rue, le pour te porter le cul. Chico, moi les armes, africains de l'Ouest, mais dites là-dessus, c'est dur à fontenaisien, pas dur à français. Je suis hermétique à la critique, ma voix c'est mon calibre. Aïe-moi pour ce que je suis, j'arrive. Laisse-moi venir à la valise avec ma bière, pur son parisien. On fait ça bien, ouais, pas la peine, un énième. J'ai rien de ruelle, j'ai rien d'exceptionnel, c'est pour mon bled. Peu importe comment je m'appelle, rouge, jaune, vert. Conakry, terre, mer, marabout, gris-gris. Un grand boubou, un griot avec une cora. Croque une cola, un polé, une collale. Mon faillé, poumon, je pollue dans mon cerveau, trop de fume, j'enchaîne mes coups de flamme. Je rigole, c'est pas celle des fans, non, on a nos codes. Pas besoin du rap pour péter le champagne, accompagné de ta femme. Génération Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee en chute libre. Poignée serrée par les bracelets, baisse le brassard orangé. Anti-étranger, ni dandy ni bandit, plutôt un dérangé. D'après ce qu'on dit, c'est l'habituel, rituel. Propos vulgaires, café, cigarette au bec. Bitume phénomène, corso, coronet, c'est micro au micro. Les gens dirent bien, j'y dedans, nique sa mère nous. Y'a des gaines, on s'en branle. J'arrive, L2, médite, cogite là-dessus. Trop d'MC sont plus redables qu'un lapsus. LOL. Coronet, personne au micro, des micros plus en haut, sale paragraphe, résultat, salement propre. Salement propre, le son du vol, t'as vu. On garde un pied dans la rue, le pour te porter le cul, chicon. Moi les arbres, africains de l'Est, mais dites là-dessus, c'est du rap fontenaisien, pas du rap français. Je suis hermétique à la critique, ma voix c'est mon calibre. Aïe-moi pour ce que je suis, j'arrive, c'est la panique. Val 2, Val D, VDF, 9-4-ZZ, 9-420, c'est la best, ouais, c'est nous les best. Banlieue Est, banlieue Est, banlieue Est. La vérité ma gueule. Val 2, Val D, VDF, 9-4-ZZ, 9-420, c'est la best, ouais, c'est nous les best. Banlieue Est, banlieue Est, banlieue Est, Corso, Coronet. Esprit Vandal, volume 2, oh ouais.